émission, une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Gizmo. Et c'est parti pour le Planète Rap, une nouvelle soirée avec Gizmo qui fait son entrée à l'instant même. J'enlève mon manteau, je suis à toi, 2 secondes. Vas-y, mets-toi bien, le temps de rappeler 2-3 choses que c'est le Planète Rap consacré à cet album qui est sorti lundi. Numéro 1 des ventes dans ma ruche, l'album de Gizmo, on le découvre tous les soirs de la semaine entre 20 et 21 sur Skyrock. Le freestyle aussi par téléphone, j'ai oublié de vous le rappeler parce qu'hier il y a le freestyle qui a sauté, puisqu'il y a Redman qui est arrivé dans l'émission. Je rappelle que pour tous les freestylers, urbanlocker.com, le fameux site de vente en ligne de vêtements streetwear, vous file bon d'achat de 100€, casquette Vrong, casquette collector Six June à choper. Ce sera tout à l'heure pour le freestyle d'ici une vingtaine de minutes. Et donc ça y est, il est installé. Je suis là, ça y est. Ça va ? Ça va, calme frérot. Gizmo, la journée est bien passée ? Ouais, bien. Ruché. Ruché dans ma ruche ? Ouais, c'est ça. J'ai fait Génération ce matin. Bon, vas-y, on cite le nom des concurrents. On les salue d'ailleurs. Non, ils m'ont dit que c'était sport. Franchement, j'ai parlé avec Laurent, l'homonyme du boss. Eh non, il m'a dit non, franchement, sport, tout, ça bouge pas, on est ensemble. Et bah écoute. Et ouais, voilà, j'étais avec Balou, on a fait un petit truc et ensuite je suis rentré me rucher et je suis revenu pour vous voir au calme. Et bah écoute, on est heureux de te recevoir avec cet album. Je disais numéro 1 des ventes. Bonsoir Satine. Je t'appelle comme une nièce à moi. Tu avais un message arrivé de Satine. Ouais. Fidèle auditrice qu'on salue. Et qui envoie, tiens, tu voulais des photos hier, un peu envoyer des photos, Satine, comme toutes les filles qui veulent envoyer des photos à Gizmo, n'hésitez pas. Ouais. Sur le Skyrock FM. Numéro de téléphone, photo. Tout ça, après on se voit. Il y a l'application Yax, tu connais l'application Yax ? Je connais pas ça. C'est l'application Yax. Nous, je connais la Wax, mais je connais pas le Yax. On reçoit ici toutes les photos des applications Yax, donc n'hésitez pas à Yaxer Gizmo. Aïe, aïe, aïe. C'est une application pour donner ton humeur du jour, du moment. D'accord. Avec une petite photo en plus. Ok. Donc si vous voulez envoyer des photos à Gizmo, n'hésitez pas via l'application Yaxer sur mon Yax. Ou alors le Skyrock FM pour envoyer tous vos messages à Gizmo. Hier, grosse soirée, je le disais, Redman qui est passé. Mais là, la grosse soirée aussi, là. Ah bah, tu vois pas le zoo. Hugo. Je n'avais pas vu. Il y a un peu de monde en attente. Ah, il y a mon zoo qui arrive, là. Il y a toute mon armée. Tu vois, moi, comme je t'ai dit. C'est quoi, c'est la ruche ? Ouais, c'est ma ruche. Moi, comme je t'ai dit, Fredo, tu vois, je suis un banlieusard. Ça veut dire que j'ai traîné dans plein de cités, dans plein de banlieues, avec plein de mecs. Et là, il y a des mecs de où j'ai traîné dans le 7-7. Comme je dis dans l'album, il y a des mecs de là-bas. J'ai habité à Valenton toute mon enfance, tu vois. Et là, il y a mes soldats de VLT 9-4. Et la jupe, tu vois, j'habite à la jupe dans le 9-4. Les frérots, ils sont là aussi. Il y a des refrais de Barbès, il y a tout le monde. Ça bouge même pas, on est ensemble. Bah, c'est ce que t'expliquais aussi hier. Tu rappelais que quand il y avait des Mont-One, que parfois, tout comme des Monts, tu dormais aussi dans la rue. Ouais, je dormais dehors, c'est vrai. Voilà, donc la rue, tu connais, malheureusement. Ouais, je dormais dans la cave, ou sinon, je dormais dehors, des fois. C'est quoi, c'est parce que tu t'osais non, pas rentrer parce à la maison? En fait, regarde, je t'explique, tu vois, je suis adopté déjà à la base, tu vois, dans ma fratrie. Je suis un peu comme le mouton noir, c'est-à-dire, je suis adopté, machin. En fait, c'est compliqué. C'est la sœur de ma mère qui m'a adopté quand moi j'étais bébé, puisque ma mère, elle pouvait pas s'occuper de moi. Ça veut dire que pendant un laps de temps, je savais même pas que mes cousins, en vrai de vrai, c'était, enfin, que mes frères, c'était mes cousins, tu vois. Pendant longtemps, je savais même pas. On a peut-être tous appris ça à un âge où ils peuvent nous parler de ce genre de trucs, tu vois. Et ma remet, voilà, tac, elle pouvait pas trop s'occuper de moi, elle m'a eu super jeune et tout. Donc, ouais, j'ai traîné partout, machin, et ma belle-mère, tu vois, j'étais un peu des fois en conflit avec elle et tout, et je pouvais pas, des fois par fierté ou pas pour des embrouilles, tu vois, je sortais de la maison et je revenais pas des fois de 2-3 mois, et tu vois, quand t'as 16 ans, t'as pas de revenu fixe, et que tout ce que tu trouves à faire, c'est voler, dealer. Il y a pas 15 000 endroits où tu peux dormir, tu vois. Sinon, tu dors dans une cave du quartier ou des petits squats à droite à gauche. Si t'as fait un bon truc, voilà, un petit squat. Sinon, à l'hôtel, si t'as fait un billet ou. Voilà, ou sinon dehors, hein, tu fais des nuits blanches avec des poteaux, voilà. Et bah l'important, et puis c'est un petit peu aussi le symbole de ce que tu dégages, c'est que voilà, alors est-ce que toi, tu penses aussi que le rap t'a sauvé un petit peu ou... Moi je pense que non, je viens sauver le rap déjà. Tu viens sauver le rap. Voilà. Mais le rap, il m'a sauvé dans le sens où, justement, quand Willy il m'a connu, moi je dormais dans la cave, tu vois ce que je veux dire, j'étais dans l'aveca et je dealais par un trou, mon frère, sombé, cacahuète, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et ben voilà, Gizmo avec nous en tout cas, et tout ça se ressent aussi dans tes textes, dans tes albums. Grosse dédicace, Noah M, Lascar de Tess. On est ensemble, ça bouge pas. Cinquième album pour Gizmo, ouais. À découvrir toute la semaine dans ma ruche. Ouais, ouais, on va écouter un morceau dans quelques minutes, le fameux dans 10 ans. Mais okay, juste avant, okay, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission avec Gizmo. Rappelons-nous. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. My fucking Redman. Redman qui est là avec nous. One, two, one, two. Gangsters. Chippy gangsters. Man, yeah. Redman up in the building. Yo, Gizmo up in the building. Yo, oh, Jersey man. In the building. Yo, I'm gonna do it like this. We're gonna do it like this. Oh, okay. Yo. Get him? Yo. Planet Rap. Il est là, celui qui nous a fait rêver, qui nous a ambiancé, celui qui est pareil, qui a dû te mettre des claques aussi musicalement. Gangster. Musicalement, cinématographiquement. C'était hier soir dans Planet Rap. I'm good. Demande-lui s'il n'y a pas trop de fumée. Don't you want smoke in here? Okay? Yes, a lot of smoke. This is the first time I smoked at a radio station in a long time. This is great. Bah, il dit, en fait, c'est la première fois que je fume dans une station de radio depuis longtemps. C'est la première fois que tu le rencontres aussi. C'est un acteur. Ouais, c'est la première fois qu'on se voit, frérot. Et je suis content de le rencontrer avec autant de bœufs, autant de fonce-dés. Tous mes négros sur autour de moi. Je respecte son boulot à mort. He's happy to see you with all this weed around him, as well, and all this smoke and all these friends around him. He's really happy to see you in that environment. Yeah, that's good, because that's where we belong, in a smoking environment. C'est l'environnement dans lequel on appartient, d'ailleurs, c'est bien. Yeah, c'est ça. Char de mon zoo avec un zoula à la bouche, pas de ceux qui se foutent droit à la chenouf. Moi, je me soulage à la douce, on passe du courage à la frousse. Tant de frères qui nous ont quittés, gangsters, souvent impliqués dans le stress et dans les cités. Quand père, j'essaie d'exister sans faire de débilité, je dis ça parce que j'ai ferri mes grandes bières et nécessite. On n'a pas le temps à tout vous dire, on crame l'Afghan, ça taffe quand vous pensez, mec, à coup sûr, on passera devant, dites-moi. Où sont les fils de cheval que j'arrive et que je pisse mon venin sans arrêt, on vise de ce cas, je veux plus que ce dont j'ai besoin. Ouais, c'est toujours luxe, toujours flou pour bruxe, toujours frustré, le tout pour le succès. I rode the blunt with crushedies and cocaine, with acid, PCP, hash and propane. Now I'm alive, wired, trying to revive the dying to do one last episode of Soul Train. Heat like the bro James when the mic's on, can't stomach the flow, you better. To try Tom's. I'm out of here, not even a life form. My Ray-Ban lens got the Twitter icon. I bully the bullies around the playground to help the kids bring the suicide rate down. I'm a bad influence to all school students. I have your class look like a scene from 8 Mile. My wifey don't trust me and I don't blame her, cause like a dumb blind woman, it's a no-brainer. MCs prepare for Fourth World War. The bomb out of my arm jetting like Joe Namath, nigga. Red man in the building. Yo, Gizmo in the Planet Rap. Voilà, c'était hier soir dans l'émission avec Gizmo et le passage de Redman entre 20 et 21 qui est venu faire un petit coucou, qui était assez halluciné par la façon dont c'était enfumé le studio. Là, dans le récapitulatif que t'as mis, il le dit, ça faisait longtemps que j'avais pas bédave tout ça dans une radio. Et ben voilà. Je connais les ambiances de Gizmo, on truche direct. Hein, tu fumes, tu bois, cousin. Dans ma ruche, à découvrir l'album de Gizmo. Ouais. On peut saluer aussi, parce que c'est vrai qu'hier on n'a pas eu le temps, mais les gens qui t'accompagnent en freestyle depuis lundi, ceux qui étaient là en tout cas pour le freestyle. Ouais, lundi. Grosse dédicace à Noah M, grosse dédicace à Lascar Tess, dédicace à D-Max. Après, vas-y, tu connais, une grosse dédicace à Douma Kalash, c'est mon Renoir depuis longtemps, tu vois, comme je te le redis encore. Moi, je suis pas un mec de cité, je suis un banlieusard. Dans n'importe quelle banlieue, tu me mets, il y a des vrais mecs de cité. Voilà, je nage normal, mon pote, comme un poisson dans l'eau. Et vas-y, lui aussi, c'est un vrai mec de cité, Miskin. Il vient de tourner un bon petit moment, il vient tout arracher. Là, il y a 2-3 derniers clips, vous pouvez aller voir Qatar, vous pouvez aller voir. C'est quoi là? Envie de transpercer, tous percer. Ouais, Cylindré. Cylindré, vas-y. C'est Ridigo qui arrive. Voilà, il y a trop de clips, Douma, dealer. Bah, ça arrive tout doucement. Voilà, 7-7-1-7-6, Vinissa, cousin, Favelas, Douma Kalash, Gangsta. Vinny Temple, et du garçon. Donc, Gangsta. Ça veut dire que ce soir encore, il y aura du live. Il y aura du live, mon pote. Bon, on va pas louper tout à l'heure dans l'émission. Et on débute avec un morceau de Gizmo extrait de Dans ma ruche. Voici le titre, Dans 10 ans. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Zone sensible, Yoni Willy Willy Yoni. Wouh! Ma mère va m'enterrer à 31. Parce que j'ai niqué mon foie, mon pancréas. Sors ton pocheton, vas-y, on s'en fait un. On est beau, on est jeune, on réalise pas que ce sera la merde le jour où ils légalisent la beuh. Mais pour l'instant, je m'en fous. J'ai que 21 piges, des joints et du bif. Au bois de 27, je vais me rincer une bif. Et j'irai boire histoire de noyer mon chagrin. Maman culpabilise pas, t'as bien choyé ton gamin. Mais je me sens seul et le monde est froid. Il est glacial, alors je suis ceux qui ouvrent leur gueule et qui font des choix. Alors oui, j'ai choisi de me guédron. Une sale mine, le véto, la fatigue, le métro. Les nuits entières à réfléchir dans le vide, à

Bang Bang, Gizmo, aussi mon gars, Gizmo. Ensemble. Et peut-être Willy aussi, un petit mot, parce qu'on ne l'a pas dit depuis le début de semaine, les prods, les gens qui ont bossé sur cet album, Gizmo. Tu veux dire un mot avec bah, les comme gens... je t'ai dit l'autre fois, Iso qui a bossé avec David, avec Franck aussi à la batterie, DJ Sim Sima qui est au platine là ce soir, Igoum qui est là depuis le premier album, on a eu qui encore, Fabio Lito aussi, grosse dédicace. On a eu un mec là, j'ai oublié son nom, putain, MK, truc, je passais des initiales, j'ai ouais, oublié. Je crois qu'on a eu Choucault aussi. Non, des bons trucs. Donc des prods variés, diversifiés. Exactement. Il y a des sons sur lesquels tu avais envie de plus poser sur cet album, parce que c'est vrai qu'il y a eu cette grande vague trap actuelle. Ouais. C'est un moi j'aime bien, moi. C'est un truc que t'aimes bien, ouais. Bah ouais, par exemple, regarde mon refrain, il est à côté de moi, Douma Kala, je suis trap. Il trappe pas pour trapper, c'est la trappe débile. Après à la trappe, les mecs ils arrivent avec un refrain trap. Ah Willy tente une OPA sur tes récoltes. Joint de bœuf sur la tête de Rome. Ça va se battre à Skyrim. Tiens, s'il te plaît. Willy, s'il te plaît, ne dissipe pas, on est en train de parler Gizmo. Laisse-lui sa récolte, tranquille. Et que je voulais dire. Et non, voilà, t'as eu, moi j'ai parlé de trap, moi je trappe de temps en temps, tout ça, même j'écoute beaucoup et tout. Mais c'est un exercice que t'aimes, toi, justement. Ouais, moi j'aime beaucoup. Mais après, tu trouves qu'il y a un peu trop. Pour moi, c'est important de rapper, tu vois, c'est le rap, c'est comme Lascar, il dirait, trapper c'est bien, mais rapper c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire, c'est bien de trapper, mais rapper c'est mieux, frère. Quand tu sais rapper, parce qu'à la base, tu peux savoir trapper sans savoir rapper. Mais quand tu sais rapper, tu peux trapper comme tu veux. Et des Mamad, il est à côté de moi parce que c'est ça. C'est que lui, il est dans un délire trap. Mais c'est un mec, demain, tu lui mets un 6 like, mon frère, il va te la brûler comme si tu lui mettais une instru de futur ou je sais pas qui. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça bouge pas. Et bon, on pourra découvrir ça aussi en live tout à l'heure. Tu vas écouter ça, tu vas manger ta baffe comme tout le monde. Et bah, comme d'hab. Et là, on balance un extrait de Dans ma ruche maintenant. C'est Gizmo, notre invité toute la semaine. C'est parti. Ouais. Dans le zoo, Hugo. Dans le zoo. Ouzou. Oh. Gizzy, Ouzou. Johnny Willy Yoni. Armés qui se mettent sont dans le zoo. Mes criminels sont dans le zoo. On arrive de l'en dessous et on fout le hella. Mes qui se mettent sont dans le zoo. Mes criminels sont dans le zoo. On arrive de l'en dessous et on fout le hella. Je viens prendre le monopole. Coca-Cola, leur danse est monocore. Ils font du copier-coller. J'aime ton boule, tes formes, mais faut pas s'affoler. Chambre des lois, aller retour entre terrain, poison, tu connais. Gremlins, qui se mettent si bien en vitesse dans la résoie. Et oui, elles disent, mais une belle veste, on va en virer. Toutes les gazelles seront bien habillées. Boule la facette pour pas s'ennuyer. Prends une bouteille, t'inquiète, c'est payé. Ramène l'équipe, le beat est plié. On vient pour gagner, sans fout d'essayer. Yoni, Willy, les saps sont stylés. Gizmo officiel, viens donc cliquer. Whisky, Coca Zero, plan à part, Trocadéro. Mes qui se mettent sont dans le zoo, mes criminels sont dans le zoo. On arrive de l'en dessous et on fout le hell. Mes qui se mettent sont dans le zoo, mes criminels sont dans le zoo. On arrive de l'en dessous et on fout le hell. Bouge la tête, bouge le son, fous la merde, bouge la fond d'une ligne de cesse. J'en face, on a une barrette dans le caleçon. Fais comme ça, Dio. Vite la taille de vodka. Elle est Mario. Tu veux tirer une taf de weed? T'inquiète, y'a bio. Cayenne de Big Test pour mon clé, certifié Barigo. Quoi, tu me tapes? T'as moins de buzz que mon backer. Lascarrête de ces Yoni Willy, on avance en bête. Depuis les scènes et les battles, habitué à mettre des claques. Moi, c'est le corps d'Eli, c'est mon avec la tête de Packer. Performant depuis que j'ai débarqué. Me parle pas de ton zico. En concert, on fout la merde, ça lève les bras, le champagne et le bigo. Motherfucker! Mes criminels sont dans le sou, on arrive de l'en dessous et on fout le hell. Mes bismets sont dans le sou, mes criminels sont dans le sou, on arrive de l'en dessous et on fout le hell. J'ai commencé ce truc, j'étais encore un père. 6 ans plus tard, viens me check, le bordel est impé. Mes bismets sont dans le sou, mes bismets sont dans le sou, mes criminels sont dans le sou, mes criminels sont dans le sou. C'est pour le 80 ce doux et les 4 points de la France, pendant qu'ils sont dans le trou, on a 3 tours d'avance. Aboué soulé, bradin. Aïe. Des diamants sur ma montre, là je pourrais te dire que le temps est précieux. Ouais c'est la merde vieux. Pour le coup de trop le sous le chaud, pas pour deux fois. Tu prends une peine de. Un conseil, fous un tri sur ton ombre. Madagascar, Sénégal et tous les pays du monde. What's up? Mes criminels sont dans le sou, on arrive de l'en dessous et on fout le hell. Mes qui se mettent sont dans le sou, mes criminels sont dans le sou, on arrive de l'en dessous et on fout le hell. Mon gars sûr, baisse pas, aïe. Allez Mario, dis-moi Bess Barclan. C'est Gizmo avec un extrait de son album Dans ma ruche à l'instant dans le zoo. Ouais mon gars. C'est ce qu'on écoutait sur Skyrock. Bah ça va, tout le monde rentre, regarde Gizmo. Ouais ouais, ça presque, ça, presque. Ça rentre ah, petit ouais. à petit. Non mais bon, c'est vrai qu'on est beaucoup là. On est une armée. Début du freestyle dans 15 minutes, ça te va dans 15 minutes? Ouais, ça me va. On va saluer d'ailleurs Sinsema qui est au platine toute la semaine. DJ Sim, ça bouge pas, on est ensemble. Tiens, il avait un truc à annoncer d'ailleurs, DJ Sim. Vas-y, annonce-nous, t'as un truc vendredi, je crois, à annoncer. Avec la très bonne asso de CKDB qu'on salue d'ailleurs. Ouais, carrément, c'est une soirée pour C'est que du bonheur. Ouais. C'est une asso pour les enfants hospitalisés. Et j'étais au nouveau casino avec Futuro Nostro et Nowadays Records. C'est 5€ et tout est reversé à l'association. Voilà. Donc, vendredi soir, là-bas, à Paris, nouveau casino. Ouais. Voilà. Hey, mec, si vous voulez que les autres y rentrent, faudrait juste vous appuyer un peu contre le mur, moins contre la platine. Merci Willy pour cette petite annonce en direct que vous vivez dans le studio. Il débranchait ton micro, Willy. Bah, au calme, frérot. Naturel, tu connais. On vient d'expliquer qu'il faut aller vers le côté des villes. On est naturel. Donc ça veut dire qu'on va être nombreux, c'est ça hein? On va être beaucoup. Il y aura beaucoup de gens, soldats là, regarde, ça continue de signer là en bas mon pote. Beaucoup de gens qui vont rapper aussi ou pas hein? Beaucoup de gens qui vont rapper ce soir ou... Ah, ceux qui rappent, ils vont rapper hein. Ils vont rapper leur race hein, ceux qui rappent. Et bah loupez pas, c'est dans un instant sur ce là, c'est... Moi je connais de toute façon. Je fais des freestyles comme dans les années 90. Ouais. Soit t'as la dalle, t'arrives à attraper le micro, ça veut dire que t'avais vraiment faim. Soit t'as pas assez faim, c'est la fin de l'émission, t'es resté dans ton coin, t'as fait le timide qui a pas voulu mettre sa main dans le platier, et c'est ton problème. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, toi tu mettras à mon avis la main dans le plat. Mais t'es fou quoi, moi je dors dedans. Bougez pas, dans un instant, on revient avec Gizmo. Qu'est-ce qu'on passera aussi comme morceau, Gizmo? Qu'est-ce que t'as envie de balancer comme morceau? On peut mettre Indestructible, ça va en jaillir mes négros, ça. Et bah bougez pas, ça arrive juste après la pub. Comme toi, Gizmo a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est glissant sans si jusqu'à l'infini. Y et W, gangsters. Venez pas dans le check, on est très sales. Où la cesse, on a fait ça. Vous amène que des vrais passes. On va ton bigot qu'on appelle que des pétasses. On va appeler que des aspects. Harcelés sur les faces B. Faut manœuvrer sans s'apeurer, mais pas crever dans le quartier. 3-4 V, pas de café. Y'a pas de secret dans le marfé. Madame me fait que des massages, mais finira les jambes écartées. Tout le monde sous son les massas. Ce soir j'ai pas trop d'arfé. Du son, du sang, des sous. Y'a pour tirer qu'on a le doigté. Moi je peux tirer sans te doigter. Te faire crisper tes doigts. T'es pas bonne, tu puis de la chasse. Là ma vieille, tu peux te doiter toute la nuit. Tu peux parler sur ma ville, mais tu suçais. Et pour lubrifier ça, tu crachais sur ma bite. Prenez pas la tête, on fait ça bien. Pas la peine de test, ok ça vient. T'as pas le level, pas sorti d'album. Tu fais pas de bille, t'achèteras le mien. Tu la fais pas jouir, ta pétasse vient. On lui donne ça comme dans les films. Ok dans ma ville, tout est malsain. Mais là c'est pas comme dans les films. J'ai rêvé de vie la piscine. Mais j'ai connu que la vie street. C'est pas difficile, man ici. C'est soit t'es l'agresseur ou la victime. Mais faut pas boucard. Sachez qu'on aime pas tout ça. T'es monté sur un plan, ça a foiré. Tu la fermes, que ça passe ou pas. Le beurre c'est moi, oui j'ai le domine. Lui mettre des bras, prononcer mon domaine. Pas de pitié, je vais niquer ta commis. Sans ciné, ou aller chez Colette. MC, je te laisse dans le flou. Un coup je suis bleu, un coup je suis vert. Un coup je suis vieux, un coup je suis gain. What you gonna do? 92 bébé, je suis tellement fier, je suis exemplaire. Quand je représente, je suis légendaire. Quand je déchante, tu prétends faire le vrai décembre. Mais on n'a jamais vu ta clé. Moi je fais Halloween en décembre. Je suis schizophrène, sont lunatiques. C'est pas des fils de pute, c'est des putes de filles. C'est la cervelle qui va péter. Là-dedans on est plus que 10. Mais j'ai des envies de meurtre. Faut pas finir dans la merde. On se met un week-end à meurtre. Ouais, pour les vertus de la faible. Faut décompresser, être bon, j'essaie. Défoncé, ouais, mes songes décrets. Sous influence, deviendrait fou quand des merdes vont tester. Ça sent le béto, je suis aveuglé par la fumée qu'on crache. Faut plus de sous, y'a mon petit frère qui va buter son crash. Y'a plus de bif, tant pis. Et que les condés me pissent en ville. Parce que j'ai le cannabis dans le slip. Rage, on t'envoie des chiffres dans le pif. Dalle, j'en ai plus rien à te foutre. On est jeunes, on n'a pas tous fait de l'HP. Mais on est quand même une équipe de vieux fous. Ramène ta clique de merde, elle va ramasser tous les coups de jeu. Nous t'as passé, faites ce que vous pouvez les gros. On fait ce qu'on veut nous arracher. Comme n'importe quoi, on fait des mélanges chelous fracassés. Une gueule sur le trottoir, encore un peu moins d'un genou. Ravagé, finir à la face B. Saccagé, finir à la face B. 3-4-G, caché dans le calcif. Attapé, je me vois les baffer. Tous me les faire promis. Ça va, j'ai tout de mes frères coquines. Les troupes, je sais faire sportif. Salas, Red Bull et DT. Oui, je m'arrache. Mec, je suis un malade. Ailleurs, j'y suis. Va te faire une balade. Je l'arrête dans les tuiles. Au cas où ça balance, tu nous verras pas fuir. Rodken, ça n'est pas là. Rapide, n'est pas là. Rodka et banane. Faut le roi de bâtard. On s'en bat les couilles. J'ai trompé ma madame. Que je n'ai au anal. Pour moi, c'est banal. Le village, lâchez-vous. Lâchez-vous. Là, c'est nous. Y et W. Et là, c'est des clics. Il nous faut du blé. Ouais, on baisse les flics. On s'en va soulever. Tout le bénéfice. Ouais, on va le faire. On va le faire. Quitte à mettre des pattes à dégorger. Toute la oui, toute la bière. Je vais tout prendre sur la Santa Georgie. Ah, on aura les poches pleines. Faut des claques forfaits. Ils ont passé forcés. Faut réparer votre mère. On n'est pas des pauvres traits. Tellement de pirates qu'on pire de l'autre mer. Y'a que le guis qui te la donne comme ça. J'écris la nuit pendant que les bolos taillent. Prêt de barrer. J'aime la vie. Quand y'a du bon shit et de la bonne lobsa. Mais laisse-moi faire mon blé. On vient des ruines avec des miettes et un peu de flotte, mon petit pote. On fait une pièce montée. Ouais, laisse-moi faire mon blé. On vient des ruines avec des miettes et un peu de flotte, mon petit pote. On fait une pièce montée. Gizzy Ouz aussi, c'est coco. Figgy Makeup, la Renga, mon pote. Ziggy, ils sont sensibles jusqu'à l'infini. Yoni, Willy, Willy, Yoni, une barge. Même à l'envers, ça schéma. Fuck you. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap de Gizmo. Je vois des chaises volées en haut dans le studio. Le studio est blindé, hein, Gizmo. Ah ouais, c'est rond. Là, c'est la ruche qui est bien, qui est bien remplie. Là, il y a plein d'abeilles. Hein. Ah ouais, il y a des sièges qui volent carrément. Okay. Bon, bah, allez-y. Tu connais. Oh, allez-y, allez mater les images sur Skyrock FM. On est au calme avec ça. Bon, on est bien. Bah bon, oui, toujours. Sur la Skyrock FM aussi, vous pouvez mater les images avec Gizmo, notre invité. Okay. Et Gizmo. Ouais. Le concours. Le concours demain 13h. Il y a plein de messages. Demain 13h sur mon Facebook, Gizmo. Demain 13h, réponse officielle, les trois gagnants. Mais là, demain, on peut plus envoyer, c'est fini. Là, c'est mort. Parce qu'en fait, je vais vraiment finir de bien guetter ce soir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, on va rappeler, t'as fait un concours depuis quelques jours. Voilà, les gens, ils devaient rapper sur l'instru dans 10 ans que j'avais mis sur internet. Eux-mêmes racontaient comment ils voyaient le délire dans 10 ans, tu vois. Moi, j'écoute les trois meilleurs, je les sélectionne, je les fais venir à Planète Rap demain. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup. Franchement, je tenais à m'excuser, vraiment, vraiment désolé, parce que ça se trouve, je vais en sélectionner un qui habite à 700 km d'ici et qui va devoir cascader pour venir, tu vois ce que je veux dire, parce que j'ai fait le con et que j'ai mis du temps. Mais en tout cas, vas-y, 13h, ce sera sur mon Facebook. Donc soyez dispo demain à 13h sur les réseaux sociaux de Gizmo avec nous. Tiens, lui, il vient de Niort, il s'appelle Cisaille. Il vient freestyler. Tu vois Cisaille ça ou quoi? On espère ça, Cisaille. Oui, ça va, très bien. En pleine forme? En pleine forme toujours. Et bah nous aussi, t'es dans le Planète Rap consacré à Gizmo cette semaine. Ouais. Tu es prêt à rapper? Ouais, mon gars. Cisaillouzou, c'est parti. Cisaillouzou. Tu m'as dit quoi, frérot? En parallèle, j'ai fait parlant du concours là, dans 10 ans, je l'ai fait, donc j'espère que tu vas aller checker ça, tu vois. Et bah, vas-y, il va checker ça. Il nous a dit Gizmo ce soir, il check ce soir, il veut bien se poser, écouter un peu. Ok, ça marche, pas de soucis. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, t'es un vrai, toi. Check, gay. Il y a dit. Cisaille, gros, écoute, yo, c'est tout ce que je peux te donner. Des tonnes de textes à l'air étonné. Je fais mon numéro, mais mes rimes ne sont pas téléphonées. Pour les gars d'en bas, ceux qui n'attendent pas, j'aime pas ce qui est laid. Donc petit, j'attendais que mes dents partent. Toujours pas de Montclair, mon gars, ils ont peur même là. Tour de piste de sport, je passe sur mon cas. Mon carnet d'adresse est blindé en face. Pas surprenant comme Ribéry qui dirait viens et en face. Tu veux chier tout le sommet, mais t'as négligé les bases. Les opposés peuvent s'attirer car on peut monter les volumes dans les bases. Promenade de santé hantée, une grenade pour vous enchanter. Au village, chanter, planter mes œufs dans vos jardins secrets. Cisaille, follow me, faut le mettre en tête d'affiche. T'as pas les arguments, poteau, ta fierté, je l'affiche. Je fiche, moi la paix, puis-je me permettre. C'est dur pour toi comme un analphabète. Devant des chiffres et des lettres, l'air absent, schizo. Après un grand verre d'absinthe, je perce l'accès, ouvert l'accès, il faut classe. Valentin se met mais je le connais pas, donc rien à battre. Les Panzani m'ont toujours soutenu. Le soir, je rentrais souvent à pattes, envie de vomir. Arrêtez les clichés, c'est pas parce que j'écris à l'encre de Chine que ma feuille va jaunir. Foulons des foules, fous le seum, assez fou du volant. Des boules avec une houle, un ouf de soulagement. Soudain, je mange des connes, authentique jusqu'à la moelle. Je mets tout le monde dans le même sac, même les imbères se retrouvent à poil. Et là, je pars en impro, j'ai le flow qu'il te faut. Posé sur Skyrock pour le planète rap de Gizmo. C'est comme ça que ça se passe, on instruit hypnotise. Ces enfoirés le méprisent, mais je dois pas dire bêtises. Et vu que c'est bientôt Noël, je vais acheter ta bûche comme le nouvel album de Gizmo. Je suis un peu dans ma ruche, photo. Aïe. Ok. Aïe aïe aïe. Et il a cisaillé l'instru, hein. Aïe aïe aïe, cisaille gangst. GP gang, mais. Là, t'es du GP gang, là. T'es rentré dans le gang, là, avec ton freestyle. Eh ben, écoute, allez, checker ça, cisaille. On verra s'il est sélectionné pour demain, cisaille. On verra ça, Inch'Allah. Donc, rencard demain. Gangs. On peut te retrouver sur le net quelque part, cisaille. Tu veux balancer des infos? En fait, moi, je suis sur YouTube. J'ai pas de. Non, j'ai pas de site ni rien. C'est juste. En fait, je mets des freestyle vidéo. Voilà. Et en fait, là, je viens de terminer un album. Donc, je vais le mettre en téléchargement gratuit sur les réseaux sociaux. Et puis, je vais le mettre en format CD aussi. Je vais le vendre. Je vais le mettre en magasin. Voilà. Et bon, on attend ça. Et en attendant, tu repars aussi avec 100 euros de bons d'achat offerts par urbanlocker.com. C'est le site leader de vêtements, de vente de vêtements en ligne. D'accord. Tu repars 100 euros de bons d'achat. La casquette Vrong, la casquette collector Six June. Elle est pour toi aussi, grâce à nos amis de chez urbanlocker.com. Allez cliquer. Allez faire un tour. Ok, ça marche. Ok, ben, merci beaucoup. Merci à toi, Cisaï. Ciao, passe une bonne soirée. Ah, il est parti, Cisaï. Gizmo, est-ce que tu es prêt après ta petite douceur? Je suis prêt, Hugo. Depuis que je suis né. Tu es prêt pour le live? Ouais. Et il y a du monde aussi qui va freestyle avec toi, j'ai l'impression. Il y a deux mois, hein, frérot, là. Il y a des vrais kickers. Respect à tous mes gars. Respect, franchement, à Asai. Respect à Lascar. Respect à Koshi, mon frère, même s'il a rien à voir, lui aussi, les mecs de la rue. On aime bien ça. Respect à Douma Kalash, respect à Ticket, respect à Tomso, Abed, tout le monde, mon frère Islem, cousin, on est ensemble, ça bouge pas, D-Max, Warzou du Zou, gangsters, JP gangsters, man. C'est parti pour la session freestyle, une vingtaine de minutes de live avec Gizmo, ça commence tout de suite, les images Skyrock FM et sur l'appli. Moi ça me ferait plaisir que Douma Kalash il ouvre le bal. Même si c'est pas habituel, je veux que ce soit mon Gava qui ouvre ça. Dealer. Dure. Je rentre dans le game en souriant. Confiant, grosse équipe de militants. Avec qui tu veux, même un titan d'aide sur la civière, ben avant la mi-temps. Tu vois un peu, j'ai plus le temps, trop foutu bout quand je me bats à Pluton. Dolce, lui, Vuitton. Choqué, tu dis un peu bon. Oui, le flow est mis, je t'emmène comme un braco. Non, j'ai pas de rivaux. Oh. Arrogant et le négro, plaque sur le teco. T'as un clim négo. Je l'applique comme mes égos. Je vais les effondrer comme les tours perco. Bon, le sud-est, gros, voleur, stup, escroc. Avec ma quitte dans le dodgy, dans le bon Dieu, serait ton maudit. Billet vert dans les fouilles de mes Audi, fusil d'assaut dans le 3 litres de Audi. Les bâtards ont lâché l'animal, on conduit à présent à 300, je Porsche conduit. Les poches pleines, mon mou, mani. Je vous la challenge, mon frère. Double jet. Lascar, choque les double jet. LDLDT, j'ai pas eu besoin de rouler mes mots. Pour faire du RAS dirty, je sais ce que je vaux. Pas besoin que tu me dises que je suis le best petit, je gratte ça pour mes héros. Qu'ils soutiennent et ceux-là, juste crédit, on balance de zéro. Dans leur caisse, mais que l'on jamais dit, à ce qu'ils paraissent, c'est le zoo. Ici, des chétans en guise d'animaux. Pêche après-midi et le soir avant dodo. Rêve du paradis, braqueurs, voleurs, bagarreurs. Et beaucoup de leur dit, toujours à verdor, ceux qui sortent l'ordinaire prennent même des orties. Là, ça, calmez-vous, je réponds à l'appel, peine. Crochet dans le rap, grosse frappe dans le beat. T'as la belle et belle et flow. Un déchargeable car dans mes tripes y'a trop de pile. Le rap a besoin d'aide. On m'a dit que j'ai tombé pile poil et faux. Ne rentrer dans ce game que tu es pour du pilon. C'est chaud que je parle de ça. À 10 ans joué au bibibibi. Je rêvais pas de bibibibis. Ni d'avoir un bebebebez. Pas d'histoire de bebebebe. Je le jure sur la bibibibi. VLT, OVDZ, Scar à la tête. OVDZ, check. Ça fait pas le temps que je clique pas. Ah, c'est Zess. Changement d'instru, NOSTA, mon gars, si tu nous entends avec moi. Calage, full street, Spartes, OBDZ, négro, YW, docteur Asai. Ok, check, certifié, Paris, go. 1, 1, 1. Ça fait pas longtemps que je clique pas, ça dépille tous les mains, je vais les éliminer. Ils sont choqués par la frappe, valet qui prie pas, c'est ma vie remplie de criminels. Ça départ de danse pied, ça gratte, gratte grâce aux techniques que j'ai assimilées. On va voir c'est qui les baisse, tu vas sortir la tête par rapport. Après moi sinon c'est fini, mais le rap c'est mon fort, je fais du sale sans effort. J'aime bien le cacher les femmes qu'on déforme. Dans l'industrie trop de phrases qu'on déforme quand on a la paix. Si c'est vos crânes qu'on dévore, j'ai cannibaliste. Dans les gros c'est impossible que tu rivalises. Comme on est qui va t'oublier, là c'est sûr qu'on va t'oublier. Toi qui pensais qu'on roupie alors qu'on arrive à 6. Moi c'est Asai. Enchanté, je me présente. 7-5-0-1 fois je représente. Comment trouvez-vous ma présence? On présente, tu parles tous du futur vu que les phrases au présent. Les bêtises posent le mic et puis laisse nous faire taf. Viage, qu'on exploite pas tout notre talent, serait du gaz. Essoufflé, je kick à la moelle, j'arrive les bouffées, street calamité. Si c'est rien, sert de tigre à l'amitié. A2Z, nous 7A, pas la pitié. Partira certainement pas maintenant, il faut qu'on casse des grandes bouches juste avant qu'on t'écale. Y'a des MC qui sont encore présents, je comprends pas pourquoi. Dirais qu'ils attendent qu'on les casse. Aïe aïe aïe. Tous mes négros vont ramper. Shit, crack. Tous mes négros vont ramper ce soir. Shit, crack. Tous mes négros vont ramper ce soir. Comme son dealer 9-4 VLT sous, motherfucker. Mon monde détecte pas l'aide. Ma fille pas sur le net. Je vis la street comme Padat. Nique les cons qui se baladent. Bah tous en écoute comme Mera. Y'a du monde qui est baro, qui rêve de la Vera. Pour le tarot, pas de jour férié. Pour Enzo, Ben et tous les chacals qui sont pas les coups de se marier. Ça charbonne, rafale les douilles. Si t'envoies des AUL, des beaux potes de texte. La cave du 7 ou le 2-6. Je nique tout comme LOS. Je suis lourd comme la Genius. VLT, c'est son bref que nous paye. Mais qu'un Genius. Moi je mise sur le pieu. Si c'est un peu Grimpus. Pour mes gars à la prod, Fabio Balou. Manda Omar, on peut te hagal ton compte. Qui croit pas qu'on est des pédales, mon pote. Pour s'en sortir, faut pas qu'on pédale. Mais à 3 mains qu'on vous voit ce qu'on porte. Comme des pompes à riz, des chandards. Wampi, vas-y, c'est tout, tout seul. T'as des manches graves, n'écoute pas les mythes dans une gaffe. Qui roulait le blast quand je le rentrais ma barre. Et tu n'aimes pas le respect avec une barre. J'ai cette salope, ce n'est qu'une tasse. L'eau se m'a dit sur mon steak, mes pattes. Et du gars, ça tu reprends sur les chats, prends sur les chats. Comme ton poussi, je te présente au loup de ma ville. Pour t'avertir, ce n'est pas un film. Tiens-toi prêt, je risque d'en faire un clip et quelques yébis. Tu te mets un fou, Crystal Mili, t'explosis tout. Il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine. Et vas-y, mettre 3 mètres de leur trou, 3 mètres de leur trou. Où sont mes voyous, mes gars, va sûr. Avec qui je mangeais de cailloux, c'était pas couche. Rayne, sans nommer de salifou, c'était pas couche. Je remets pas les Cap d'or, tout un calage, favelas. C'est pour tous les quartiers que je prends le micro. Dès que je rappe ce morceau, c'est comme une morsure. Tire l'air, ouais, négro, tire sur ton bédo, que ça me tolérera. Là où j'habite, on a tellement l'icro. Que les gens qui déroulent rêvent 2 millions d'euros. Je me vestis à place avec un disque en rouge. Je m'en fous de la police, on démarre le secro. Négro, c'est pour ma banque, le sud. Ça finit en temps, latitude. 400 que ça va, je dois les faire normal. Qu'on va y prendre de l'altitude. On a la sale habitude de tout niquer sur le bitume. On vise la lune malgré nos lagunes. On veut tous être pété d'une. Je débite, débite des kilos de shit. C'est voir, c'est là, c'est ici, dans la street. Ouais, j'ai grandi trop vite, j'ai grandi comme un pit. Je sors un mal jusqu'à ce que je suis ma bite. Je suis ma bite. Négro, tu veux savoir où j'habite? Wapinaï, Wapinaï, 7-7, Marcel, Pirate de la street, vieux renard. Le frère, c'est ma gros. C'est ma zou, ma zou, bois d'un. Ma boule. Eh, ici c'est gang. Je crois que t'as pas réalisé. Si on descend pour tirer, tu repars paralysé. Et nous on t'encule, devant nous y'a pas d'Hercule. Même à 9 contre 4, t'inquiète personne recule. On t'aide par terre, c'est ça le politique. Ici la police dit que les autres tchékars tapent avec les mains. Nous, avec la balistique. L'humain il a ses mains. Abbé de taille, Abbé de taille. Kassa MC, laisse tourner Sims, laisse tourner. Check, j'sors de mon zoo avec un zoula à la bouche. Pas de ceux qui se foutent droit à la schnouf. Moi j'me soulage à la douce, j'passe du courage à la frousse. Tant de frères qui nous ont quittés, gangsters souvent impliqués dans le stress et dans les cités. Quand berge j'essaye d'exister sans faire de débilité. J'dis ça parce que j'ai fait rimer. Grande bière et nécessité. On n'a pas le temps à tout vous dire, on crame l'Afghan. Ça taffe quand vous pioncez, mec, à coup de sûr, on passera le vent. Où sont les fils de cheulard? J'arrive et que j'pisse mon venin sans arrêt. En vise de chocage, j'veux plus que ce dont j'ai besoin. Ouais, c'est toujours plus, toujours luxe, plus pour Brux, toujours frustré. Le tout pour le succès. Bédard monte, le repousse le lendemain. Tu t'interroges sur mon trip, je te raconte que quand je reviens. Wow, wow, on en est où? Gros flow au rendez-vous, trop haut. Je leur affiche des bonbons, même sans les coups. Moi, d'enfant, quand j'ai le truc qui peut disloquer la nuque, vaut mieux pivoter toute saisonnée pour rigoler de ma tube. Baby, pourquoi tu casses mes couilles? Ces petites putes, c'est des vides pures. Des petites brunes à qui je fais des crasses, c'est tout. Elle de ses mensonges. Lascar VR, s'il y a des bâtards qui m'énervent, j'ai des tas de blagues sur les mers, ok. Bâtards et des perroquets dans mon panorama. J'ai déjà bousillé moralement, je fais tout ce que c'est ça, on ramasse. Ok, c'était le mieux comme Pierre Palma, on a tous une tête mignon, mais rien qu'on parle mal. Le projet, on a mis l'eau, ça glisse, façon pour madame, il masque, on est long pour venir en prendre nazi. Ficha, ils prennent tous la grosse tête comme un gros blanc sur fichaille. Mais c'est l'official, je veux juste faire comprendre que les gestes imprenables en freestyle. Imagine, c'est assez simple. Le quai brisé la preuve, mais avant un coup de grâce. de Jacques des Zinc. Le chétan une putain de dark skin full dance. Comme ils ont passé simple, Street Lab pour un concu sera un coup de trace. Les gros j'aime les gros ans, le stick à smooth caliente mes boosters. Hey. Game, je me sens comme à la maison. 2-3 incantations et je monte sur scène sans pression. Ouh. Tu sais qu'ils veulent ma peau, négro j'en suis conscient. On reste calme, nos armes proviennent de l'est du continent. Sans mentir, d'ici le mont Everest semble être une butte. Doc Max vous exécute, les textes de Gissus sont vécus. Les grosses sommes cachées sur le sommier, gars c'est mon pécule. Toi tu ne fais pas de cash, t'es bon gars, sniffer tes pellicules. Et ouais petit c'est tout pour les thunes, rien fout du reste. Comprends bien dans tes oreilles, c'est le pèse de son espèce. Hey. J'étais bien trop têtu. Ouais mon gars, certifié parisien. Bienvenue dans la M2 zone. M2. Bienvenue dans la M2 zone mon gars va. Bienvenue dans la M2 zone. Bienvenue dans la M2 zone. Bienvenue dans la M2, ce n'est pas la peine de. Je reçois un appel de baume. Il me dit mon gars va, il me faut un joint de bœuf. Je ramène la bouteille de rhum. Et si le bus ramène, il faudra 22. Bienvenue dans la M2 zone mon gars va. Bienvenue dans la M2 zone. Nique la routine, Igo, c'est la merde dans les titres. Pète pas d'amour et partout c'est là. Après le match nu que t'as rien à perdre. Si le dos les tabac, c'est qu'on passe à la taille. On arrive en douceur. Okay. La nettoyer à toute heure. Me pas pas de douleur. Igo, tu sais qu'il n'y aura que le Skype pour apaiser ma peine. On vient d'en dessous, mais pour prendre le dessus, ça s'excuse. T'as Igo, moi je suis déçu. Sans sentiment qu'on se soigne les blessures, c'était fait au sommet cette année, ça c'est sûr. Au sommet, ça c'est sûr. Au sommet, ça c'est sûr. Ouais. Black shoot, photo. J'en ai marre de vivre une thèse, pas permis, j'suis ma pointe de vitesse. Fonce au nord, j'écoute leur vitesse. LDD, pourquoi tu les blesses? Ah, moi j'te peux franche en mode limite. J'laisse. Ok, c'est mort. J'ai pas le temps de parler, même si j'te le dis d'emblée. Bra, cousin, j'suis perturbé quand j'perds du blé. Eh, là c'est mort. À vous, soulé. À bientôt. À bientôt. Putain, le rap c'est pas pour tout le monde, je l'ai déjà dit. Tu vois, à Bana, je suis archi flégo. Putain, le rap c'est pas pour tout le monde, je te l'ai déjà dit. Tu vois, à Bana, je suis archi flégo. J'ai dit 18ème, je tape le foot. On attend d'en gonfler. Je rêve de Copacabana. Au lieu de niquer ta mère, ton daron nique les Ghana Ghana. Patiné, mec de gear, ramène-toi, je vais calciner. Quand je vais serre en bas, chouris, car je sais très bien que je suis filmé. Pousse-toi, on pose des sous. Igo, chez nous, on parle peu. Fais ton buzz, je m'en bats les couilles. Moi, ce qui me rapporte, c'est ma bœuf. J'en ai rien à foutre de tout ce qu'ils disent. Ce qui m'importe, c'est de faire du bif. Les poches balèzes comme mon pif. Ils viendront me sucer la bite. Tu vas, Havana. J'ai pas, le cas du mois. Si je vois les canarder, Joe et Zeus sont pas là, mais bon, je suis tranchant comme une épée. Les couilles plus gros que des chocobons. Chez toi sur la table, je mets les pieds. Ils courent après un taser. Dans leur check, je vais dégoupiller. Et Robot, écoute de chillas, mon fait les pieds d'un coup de pillé. Blood. Ah, certifié party go. Je veux deux rappeurs ici. Certifié party go. Certifié party go. Check. Ah. La portée de mes propos porte à croire que tous tes rappeurs jouent les mères porteuses. Copie flow pas stream, silicone plastique. N'en viens pas nager dans nos mers tortueuses. Un canon met leur matière grise. Et t'as atrophié sur le parterre. J'y sens le paternel depuis la maternelle. C'est les chants de la hure qui nous maternisent. Pas la Marseillaise. Perte du triple A, mais nos parts s'élèvent. Donc pour la moisson, passons nous le bip en foison. Sur la poison du garçon, l'action incarne ses rêves. Sur le ciel ou la cabine nous hisse. Reste en retrait, chauffe les artistes qu'on vise. Sur la partie on mise. Sur le cheval de Troie, dangereux par l'ego à la David Louis. Contre blanc au granat. Les gars, femmes et phalanges, la longue durée. T'arrangera le tableau car ma vocation est d'amas. C'est le plus de cadavres. Pour l'instant je me balade dans les hurles de Paname. Mais je trouve son père sur la tête du tuteur à ton grand-père qui joue les voyous avec un grand air. Mais la plupart de sont des menteurs. Vita Loca mais vit toujours chez son père. Pessimiste à l'idée de froisser ton mythe. Du rappeur et de son passé ton rite. Tu veux un feat, faut me passer ton rip. De 3-0 en studio pour te placer ton hit. Sois pas timide, joue pas les comiques. T'as porté tes couilles avant ton clitoris. Gants sur les mains, on est méthodique. Suis-je le meilleur? Question rhétorique. Cadou. De la drogue, on fait des putains de tours de magie. Ceux qui nous écoutent seront pas. On reste assis, on fait rentrer du cash comme des trompas. Dangereux comme ce cas où que cra la rue Mira. On est des vrais soldats niggas. Ils se prennent pour Tony Montana, des Tony Merguez. On porte nos couilles pour tous nos crapules. J'aurai ta peau, j'en ferai un string que j'offrirai à ta pute. Mario Phoebe, allergique au képi. Ni un leader, ni un suiveur, j'suis à l'écart. À l'écart, je laisse se battre pour pouvoir. Pendant que j'roule un gros pétard, j'ai un cœur pour tout le monde. L'amour sur peu de gens. Quand je rage, fuck un tas de gens. Moi et mon équipe, on rêve de faire un tas d'argent. Ils croient qu'on est fainéants. On fait du cash en baillant. Crapuleux comme Travolta dans Opération Espadon. Ça opère avec du cran. Avec du cran. Nous prends pas pour des petits. Même nos petits sont devenus grands. Des couilles incalibrées, des gants. Nous perd avec du cran. Nous prends pas pour des petits. Même nos petits sont devenus grands. Des couilles incalibrées, des gants. Chaud, chaud, chaud, toi. Chaud, chaud, chaud, chaud. Brie Gaëtan, rentre la brise à ça. Ça rongeait. Car. C'est pas non, ça rongeait. Chantez la DI. Chantez, chantez la DI. Barbès clan, la famille. Ok, c'est pas non, ça rongeait. Car on gérera mes problèmes de brillard depuis tout petit. Faut qu'on se douille sur soi-même. Si t'as la bruit, roule un petit. Car j'ai la flemme. L'apocalypse DMC, je l'ai détruit comme Roca Flemme. Roule un petit, car j'ai la mer. Je m'en parlais, j'ai eu ma vie comme elle est. Comme d'appeler un, deux, ça fait chante là. MC, MC. J't'ai mis le pied à l'étrier. La musique, c'est chez Dan. Tu ferais mieux d'aller prier. On s'te pour, y'a mon poster. Ouais, ma gueule, elle est grillée. J't'ai mis le pied à l'étrier. Sur tous les doigts, tu peux le crier. Ce que t'as, j'l'avais, j't'ai pas demandé un billet. J'suis tellement sombre que dans le rap, et ce qui paraît, je brille. Yeah, yeah, on s'aime que pour le pays et qu'on s'égaise. Ah, certes, tu fais pas rigo. Certes, on est pas réglo. Écoute, dans ma ruche, poteau. Calibre. Ah, attends, ah merde, Calibre. Calibre. CTP, motherfucker. Yo, nique sa mère, bouclier fiscal. CTP va dépouler, fils, ça. L'État veut pousser un boulet smicard. Heureusement que Marianne a le boulet fica. C'est pour les jeunes des quartiers 1002 qui ont vu de bout en bout la flicaille. Qui pète les plombs comme Omar Little. Qui ne tiennent plus debout qu'en bout des flics. Jeune et vainqueur, on te pique ta place. Même si ton destin est tragique, tu n'arrives qu'à gratter le fond de la crasse. Même si ton festin est ma. Mon rap vient tout droit du fond de la classe. Mais mon prof en est loin d'être ravi. J'écris mes textes avec un pic à glace. Monsieur, mon instinct est basique. On ne fait que braver les interdits et dire qu'on a envie de monter sur le trône. Oui, oui, on a envie de monter sur le trône. Mais ne vous inquiétez pas les mecs, on est sur le coup. Vouloir nous enterrer les apprentis. Méditer et se rendre compte qu'ils sont de trop. Mais à force de regarder les affranchis, je me dis que à chaque jour suffit son trou. Ouais, sachez, ouais, sachez. Dans ce game, trop de rappeurs nuls à chier. On veut des cachets, ouais, des gros cachets. Et de tous ces putains de rookies, c'est détaché. Pour platine, connaît à le fuse, la frime, méga, les youfs d'Afrique, voilà, on l'ouvre la firme, les gars, des loups de Paris, les gars. Trop de vêtements dans ce groupe, donc c'est pas la même, les gars. Hey, négro, j'fly comme Hercules, asphalte pour du Khalis. Pas envie de finir Hermes, donc j'affine mes rimes, les dettes comme Jacques Mesrine. Trop de charisme, même Terre et Mimite, on veut du cash, j'ai madame Mimi, ou bien Alimi, ouais. Une chose est l'ennemi, c'est putain bien oublié, Jacques sans alibi. Hey. Fuck with me, dis-nous la galette. Vois-toi, prends comme les darons de Garrett. Je vais me péter pour la paix à Garrett. Dans ton équipe, que de tout voit que des grévistes. Moi c'est l'interro, donc va voir la surévise. Oh là tu résistes, toi les trolleurs, prends. Donc tu crois vite pourquoi on fait un régime. Baise, on est prêt. Rap, on est frais, oui, rares sont les vrais, bref, rap pour les frères. On s'envoie les yokos si on passe pour des traits. Prêt pour la mixtape dans les packs, sort le bif. J'rappe pour le meilleur, chéri, pour le pire. Rafale de track dans les crânes, on tabasse les boss, on vendait des A pour le bif car on est hal pour le titre. Game sale, oui, mon négro ça vient de Paname. Freestyle, j'ai trop les crocs, je plein de balaf. Salam, moi c'est A2S, vers chez moi ça vaut la mort en rail de 16. Dans ce business, y'a Paname. 19 secteurs, paiera pour mes sauces. Nique l'inspecteur, oui, ça fait des housses. Tous les gars qui disent, il sait pas rapper ce gosse. À peine démarrer, se coucher, appelle à l'arrêt, se cousse. Oh, tu veux m'arrêter, laisse tomber, à vouloir t'estomber. Tu te fais plomber sur moi, tu t'es trompé. Ça fait les jazz complets. Je suis un flemmard, mais je suis là dans il est question blé. Bro, j'ai CTP, ça promet. Je crois que cette mélodie, tu la connais. Tu verras, je vais te montrer. Je crois pas que ces mecs sont prêts. Pour la mixtape, envoie la monnaie. Ré. Envoie la monnaie. Envoie la monnaie. Envoie la monnaie. Un truc. C'était la session plus long, live. Plus long, Sims. Gizmo, ouais, Gizmo. Un beau soulé. Gizmo, c'est fini. Aïe, aïe, aïe. C'est fini pour le live. C'est fini pour le live. La pêche, mon pote. À l'instant. Beau chocolat. Là, c'est mort. LT. Eh, comme Sawyer. Est-ce que mon F4 est là? Merci à vous tous pour ce live, pour ce freestyle dans Planète Rap avec Gizmo et ses invités à l'instant. Gizmo. De quoi? Il reste encore 5-10 minutes. Non, non, on a plus de temps, c'est fini. Fini, fini. Demain, après-demain, on trouvera un moment. Désolé, désolé, mais il y a un moment. Garde la pêche, ma gueule. Eh, Salim, en direct du 94. Faisons tourner. Garde la choupe. La roulette sur Skyrock, c'est parti. Skyrock t'offre la nouvelle compilation de la musique non-stop. Plus des chèques. On garde tout. Allô Iman de Villepinte. Iman, je ne sais pas si tu m'entends dans tout ce bordel. dans tout ce bordel dans le studio de Planète Rap. Ah, c'est le bordel chez vous là. Ah bah tu entends, et puis si tu avais les images, tu verrais aussi. Hein, c'est sur le Skyrock FM, sur l'application Skyrock pour suivre tout ça. Iman, tu es prête à faire tourner la roulette? Ouais, ouais, il y a de l'ambiance là. Ah bah ouais, ça on peut dire, ouais, de l'ambiance, ouais. Eh ben... Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et bah voilà Iman, c'est fait, 80 euros en bon d'achat avec la copine Skyrock Urban Music Non-Stop. C'est pour toi, on t'envoie ça du côté de Villepinte Iman. Crise, bah ouais, la crise au Mike, mec. Je te fais un bisou. Je voudrais faire une dédicace. Vas-y, vas-y Iman. Vas-y, dédicace à Samia. À Samia du 93 Clichy sous bois, Sabrina, 93 Clichy. Et à tous ceux du 93, des grosses dédicaces à vous, Skyrock. Merci, bisous à toi Iman. Gros bisous, bigas. Bisous, bisous. Gizmo. Gizmo. Tu m'entends? Oh, que tu vois, c'est ça, c'est une facette de moi, c'est qu'une facette. Dans ta ruche. J'ai qu'une parole, mais j'ai 30 facettes. Cousin, la vie de ma mère, même. Ramène-nous l'armée de Léonidas. La mère, la mère. Voilà. Mais de thug. Juste avec ça, on fait ce qu'on veut. 9-4, 9-4! Ah, mais de thug! Merci. Eh, Barbès, la goutte d'or, 18ème, Y et W. Ça bouge pas, Willy le bar, à tous les placards. Merci à vous tous. À tous les placards. Gizmo, on va le retrouver demain. Demain, entre 20 et 21. Et là, c'est l'heure de basculer dans un studio qui peut être moins enfumé et moins peuplé que le mien. Celui de D-Fool avec toute l'équipe, tu m'entends? Fredo, voilà, vous êtes là, vous êtes là. Vous oui, êtes là. On est connecté. Waouh. On assistait à la fin du Planète Rap. C'était sportif ce soir, c'était sportif. C'est bien, ça te fait faire du sport, Fred, juste avant les vacances, c'est parfait. Exactement, ça peut pas me faire de mal. Avant de bouffer beaucoup pendant les vacances, tu en profites un petit peu pour faire le ton sport quotidien, on va dire ça comme ça. Pas sûr que ça fasse du sport là, avec ce qu'il y a dans le studio. Ah bon? Ouais. C'est ambiance un peu enfumée, tu vois. Ah bah là. Ah oui, d'accord. C'est même pas un peu. Hein, c'est-à-dire qu'on voit, on voit c'est plus nuage. Rien. Là. Bon bah Fredo, on te laisse repartir dans le brouillard ce soir. Hein. Eh bah c'est reparti. Gizmo. J'ai pris mes lampes de poche. Le retour demain soir 20h-21h pour le Planète Rap, le spécial Gizmo toute la semaine. Et là c'est parti avec. Avec. Alors Fredo. Et Big Sean. Et Big Sean. Big Sean, t'aimes bien Big Sean, Fredo? Bah trop fort Big Sean. Ah, il déchire tout sur ce morceau. Open White, ce qu'on va écouter tout de suite pour démarrer la soirée. Pour le reste, bah écoutez, on vous attendait maintenant au 01 53 40 30 20. La Marie danse, mais elle va vous répondre si vous avez des trucs à dire. Non mais je peux faire les deux à la fois, tu sais. Très bien, elle Marie danse en dansant. Ouais. Elle ça. Danse en vous répondant, c'est bien. Donc, 01 53 40 30 20 pour nous appeler si vous voulez passer dans l'émission. Le 41-759, l'appli Skyrock, vous nous laissez vos messages. On salue Fafa, on salue Sabine, on salue Sheba qui vient d'arriver, Estelle également. Ah, bonjour à tous. Sheba, oui, comme oui, c'est de la bouffe pour chat. Eh bien, ça lui fera plaisir d'entendre ça. C'est sympa. Envoyez-nous des messages, Marie est capable de vous tailler en direct. Là. Bon, Fred, à demain. Ciao, ciao. À et Calvin Harris et Big Sean pour démarrer la soirée. Radio ciao. Libre, c'est salut. Parti jusqu'à ciao. Minuit. 1500 euros tous les matins sur Skyrock.